Mon mari et moi. Petite exploration conjugale. D'Elisabeth Jacquet. Texte dit par Elisabeth Jacquet et Marina Moncade. À l'ombre des fleurs, même un parfait étranger ne l'est plus. Issa. Un jour, un homme est devenu mon mari. Ça paraît banal, ça ne vaut pas le coup d'en faire un plat. Pourtant, c'est étrange. J'ai commencé à parler comme ça. Mon mari par-ci, mon mari par-là, mon mari et moi. Mon mari n'avait pas changé depuis qu'il l'était devenu. Ou alors de son côté ? Sans que je m'en aperçoive ? Non, c'est moi. Où que je sois, même absent, mon mari est devenu là. Autour de nous, l'espace aussi s'est métissé. Le lit, le canapé, les placards. Les fauteuils, tables, livres. Le savon, peigne et dentifrice. Tous les objets usuels ou de décoration, du plus grand au plus petit, sont devenus ni à moi, ni à lui, à nous. Nos corps et gestes partout autour. Au gré des années, l'espace n'a pas toujours été le même et les objets ont quelquefois changé. Mais ils ont gardé, à part évidemment certains très spécifiques, leur caractère collectif, cette étonnante mixité. Si nous devions tout départager, nous serions obligés d'improviser. Nous devrions nous remémorer une foule de détails ou des incidences plus profondes. À quoi cela rimerait-il ? Le plus simple ne serait-il pas de tout donner ? Si nous devions remettre l'espace à zéro, nous ne serions plus où nous placer. Comment procéder pour nous en aller ? La distribution et l'usage des objets dans l'espace ont créé certains tropismes. Nos clés déposées dans le grand cendrier sur la bibliothèque de l'entrée. L'un allume la télévision, l'autre arrive pour regarder. L'un soudain se lave les dents, l'autre vient d'en faire autant. Ce livre sur la table basse du salon, nous serons deux à le lire alternativement. L'un se lève pour prendre son petit déjeuner. Sauf exception, l'autre le suivra d'assez près. Dans la cuisine, la radio deviendra source sonore. Bavardant en même temps, l'un de nous l'éteindra sans que l'autre, le plus souvent, n'y voie d'inconvénient. Désormais, plus ni à toi ni à moi. Une même tartine subira nos assauts respectifs. En attendant le pain grillé, tiens, prends-en la moitié. Que le téléphone sonne, portable ou fixe, si l'un de nous répond, l'autre dira « Qui est-ce ?» Recherchant n'importe quel objet égaré, nous ne manquerons pas d'établir la vérité quant à celui qui s'en est servi en dernier. Modulés par la communauté, nos goûts connaissent en permanence des inflexions nouvelles. Du pain blanc au pain complet, ce tableau finalement tu as bien fait de l'accrocher, d'un régime carné à une progression végétarienne, tu as raison, apprenons des poèmes. C'est super la randonnée. Entre tolérance et indifférence, chacun acceptera une collection de livres anciens jamais ouverts sauf pour en ôter la poussière, une prolifération d'orchidées toujours censée repousser. Quand un beau jour l'une d'entre elles refleurira, nous nous émerveillerons devant ce miracle de la nature. La vie, donc. Il n'y avait rien, or soudain voilà. Au nom du bien commun, nos préférences seront gommées. Mais si, je t'assure, ça m'est égal. Sans disparaître tout à fait. Oh, cette position, j'ai horreur de ça. À quoi voit-on qu'on est marié ? Mon mari et moi portons chacun une alliance avec nos prénoms gravés à l'intérieur. Moi, le prénom de mon mari, lui, le mien. Quand j'ai ôté mon alliance pour vérifier et que j'ai lu le prénom de mon mari écrit dans l'épaisseur de ses 2 mm, tout fin en caractère bâton, isolé sans rien d'autre, j'ai pensé à sa solitude, à la mienne, au fait qu'on soit tombés ainsi l'un sur l'autre. Dans notre abri ici, nous deux oiseaux bagués, battant des ailes sans bruit. Pourquoi mon mari et moi nous sommes-nous mariés ? Déjà, si nous ne l'avions pas été, comment aurais-je pu dire ainsi tout au long des années jusqu'aujourd'hui ? Mon mari. Il est plus facile de dire mon mari que mon homme. Mon mari paraît normal, policé. Mon homme semble déplacé, légèrement cinglé. Mon mari va avec tout. La profession, le numéro de sécurité sociale, la distribution des tâches, l'énumération des goûts et préférences, n'importe quelle indication donnée au monde extérieur. Mais peut-on dire par exemple au courtier d'une compagnie d'assurance « Mon homme vous a téléphoné tout à l'heure » ou lancé à la cantonade « Mon homme ne lit jamais de roman » sans avoir l'air excité, plutôt ridicule. Qu'un homme marié dise « Ma femme » personne n'y verra une connotation sexuelle. Personne ne prendra cet homme pour un obsédé. Alors qu'une femme... Mon homme... Aïe, aïe, aïe, sortez les calmants. Mariée, la femme demeure. Elle garde sa fonction. L'homme devient mari. Il en change. Où chercher l'explication ? Si l'on s'en tient à l'énumération, à partir d'un certain nombre, en tant que femme, il devient périlleux de mêler hommes et maris. Ça jette un froid dans l'assistance. Pour un homme, c'est différent. Il lui suffit de préciser « celle-ci, je l'ai épousée, celle-là, non ». C'est étonnant. Quelquefois, les gens haussent les épaules, désabusés. Le mariage ne change rien. Un détail même, lâche certains. Comment les croire ? Je connais des couples qui ne sont pas mariés et utilisent pourtant mon mari, ma femme dans leur conversation quotidienne pour se simplifier l'existence. Le mariage simplifie-t-il l'existence ? Si mon mari et moi ne nous étions pas mariés, de quelles autres façons serions-nous restés ensemble ? Partant de l'endroit flou d'avant d'être mariés, serions-nous parvenus non mariés au point où nous sommes actuellement ? Ou bien serions-nous ailleurs ? Ou dispersés ? Cela équivaut à imaginer un paysage de montagne avant les montagnes, ou l'océan sans l'eau, ou carrément l'infini. Mon mari et moi, nous faisons mutuellement remarquer une quantité de choses que nous n'aurions sans doute jamais remarquées l'un sans l'autre. Une beauté n'importe où, n'importe quand, un reste d'aliments entre deux dents, une nuance dans un ciel, un paysage ou un tableau, une pureté dans l'air ou une odeur bizarre quelque part, une saveur bonne ou mauvaise, en tout cas inhabituelle, une qualité ou un défaut chez nous ou quelqu'un d'autre, proche ou pas, une réalité dissimulée sous des apparences trompeuses, un vêtement devenu immétable, une excroissance de peau au niveau du dos, ou bien un truc hyper drôle alors qu'a priori il n'y aurait pas de quoi rire, un passage précis dans une musique que du coup on écoute en boucle, de multiples petites influences inconscientes comme un certain ton de voix au téléphone ou un nouveau geste des mains, l'écho visible en nous ou dans notre vie d'une œuvre, d'une phrase, d'une expérience nouvelle ou d'une langue archaïque. En revanche, seul face à une nouveauté, plongée dans un ravissement ou la sensation d'une découverte, notre émotion légèrement se fissure. Aussitôt s'y profile la dimension manquante de l'absent. En revanche, seul face à une nouveauté, plongée dans un ravissement ou la sensation d'une découverte, notre émotion légèrement se fissure. Aussitôt s'y profile la dimension manquante de l'absente. Prenons le mot « époux ». Là encore, un homme dira plus facilement « mon épouse », particulièrement dans certains milieux, à un certain âge. Et si cela se présente, laissez-moi vous présenter mon épouse. Trouvant son écho dans « un plaisir d'avoir rencontré votre charmante épouse ». Mais à quelle occasion une femme prononcera-t-elle « mon époux » sans éprouver un passager sentiment d'imposture ? Coupant court à tout embarras, elle optera pour l'académique cher et tendre, qui, même prononcé avec juste ce qu'il faut de recul et d'esprit, évoque chaque fois un jarret saignant. Mon cher et tendre. Décréter que le mariage ne change rien n'est-il pas une forme de paresse affective ? On aurait vraiment envie de sentir rien, et voilà, c'est notre droit. Mais quand aujourd'hui tous les êtres qui s'aiment désirent à ce point se marier, quel sens cela a-t-il encore d'affirmer que le mariage ne change rien ? De non-conformiste, on passe à sombre réac, carrément cache ta joie. En pleine évolution, le mariage deviendra-t-il bientôt, pour une habituelle majorité, semblable à ces professions jusqu'alors réservées aux hommes et perdant de leur prestige dès lors que les femmes y accèdent, une simple formalité qu'elle finira par abandonner ? Une autre question peut se poser. Qu'y a-t-il dans le mariage qui fasse à ce point envie ou pitié ? Le mariage est-il la manière la plus conventionnelle de nommer notre vie sexuelle ? Une permission ? Une restriction officielle ? Ou son cadre tarabiscoté ? Si je devais en parler, comment transposer ? Évoquerais-je davantage notre vie sexuelle si mon mari et moi n'étions pas mariés ? Ou si nous l'avions été ? Au fait, si mon mari et moi avions été du même sexe, duquel aurions-nous été ? Prenant chacun un peu du sexe de l'autre, ne sommes-nous pas déjà mélangés, en constante hybridation ? Si j'avais une barbe, je me raserais comme mon mari. Je ne vois pas d'autre manière. S'il devait avoir ses règles, il gérerait cela à ma façon. D'autres lui seraient étrangères. Peut-être m'avançais-je. Mon mari est l'être avec lequel je me suis trouvée le plus souvent dans le plus grand nombre d'endroits. Notre pays ou l'étranger. Un ascenseur. Une voiture ou un avion. Les pièces d'un appartement ou d'une maison. Dans les vagues ou la montagne enneigée. Un coin perdu ou une vaste capitale. Une salle d'attente ou un monument. Lieux connus ou inconnus, ordinaires ou réputés inoubliables, misérables ou grandioses. À chacun de ces endroits, du plus banal au plus fameux, des images précises sont associées. Gestes et corps au ralenti, la plupart du temps sans parole. Sensations seules avec pourtant le son de sa voix, mais sans mots. Les mots restent en deçà. S'il fallait les exprimer, je devrais les inventer. Nota bene. C'est quand même pour l'instant à la maison que mon mari et moi nous sommes trouvés ensemble le plus longtemps. Parfois, mon mari et moi devenons purs phénomènes physiques. Où que nous nous trouvions, même habillés, même l'un sans l'autre en train de conduire, faire les courses ou des abdominaux, remplir un formulaire ou travailler, notre échange hormonal persiste, vital et invisible. Comme les neutrinos nous traversent sans cesse en tout lieu, corps, bouche, cheveux, yeux et âme. Inversement, demeurant côte à côte, mon mari et moi pouvons nous sentir, pour une raison quelconque, à 1000 lieues l'un de l'autre. Un peu partout, mon mari et moi constituons les deux témoins privilégiés de nos états les plus variables, physiques ou mentaux. cheveux filasses dans une robe de chambre tachée, barbe hirsute et corps abandonné dans un vêtement trop lâche, mutiques ou bavards, en cris, en larmes ou en éclats, ou au contraire très doux et calmes, mal fichus ou en pleine forme. Notre énergie débordant soudain de tenues qui nous hissent à un autre niveau dépasse notre condition de mari et femme et nous happe au dehors où nous deviendrons des êtres évolutifs et parfumés, passant sous nos regards mutuels d'un stade à l'autre en très peu de temps. Des manies minuscules de nos préparatifs intimes à une splendeur sociale, du réveil animal au moment où l'on part travailler. Un homme qui a été un mari ne cesse jamais tout à fait de l'être, devenant alors un ex-mari. Un ex-mari s'inscrit dans votre petit diorama intérieur avec bien plus d'opiniâtreté qu'un ex-non-mari. De ce fait, justement, du fait qu'il ait été, pendant un temps, un mari, remplissant ainsi une fonction autre, supérieure ou non, en tout cas distincte de toutes celles que l'on peut attribuer à n'importe quel autre homme non-mari. Est-ce en regard de cette fonction unique qu'il occupe que peuvent se révéler chez moi, à l'égard de mon mari, des dispositions de caractère exceptionnelles? De qui d'autre pourrais-je ainsi systématiquement trier les chaussettes ou déchirer pour en faire d'astucieux chiffons les chemises et caleçons qu'il continue à porter même troués? Avec qui d'autre aussi longtemps partager les sanitaires, bruits, odeurs et rituels de nos corps sans cesse à proximité? Non marié, à l'instar de mes congénères souvent décidés à revivre une histoire, mais chacun chez soi, peut-être à mon tour ne pourrais-je plus l'imaginer. Est-ce au regard de cette fonction unique qu'il occupe que mon mari s'avère être de son côté la personne au monde avec laquelle je peux me montrer sans réserve et parfois sans raison la plus désagréable? Par quel autre moyen, si ce n'est à force d'être mariés, mon mari et moi parvenons-nous à adapter les unes aux autres nos habitudes les plus archaïques, ou plutôt à les entremêler de manière à ce qu'elles forment un ensemble viable, sans trop de béance ou d'arêtes coupantes qui dépassent? Le titre de cet ouvrage aurait pu être « Noces de porcelaine ». Mon mari et moi en sommes aux noces de turquoise. Je préfère la fragilité transparente de la porcelaine au paradis bleu de la turquoise, le blanc vide à la couleur envahissante. Je redoute les noces de Crotone, dont le nom désuet traduit mal l'ampleur de notre sujet. Nous nous extasions sur les arcs-en-ciel de manière aussi convenue que nous le faisons sur le mariage. Annoncez à qui vous voulez que vous vous mariez, votre interlocuteur entrera aussitôt dans son rôle de composition. Mine réjouie, l'œil en amande un peu mouillé. « Ah, mais c'est formidable! Quelle bonne nouvelle! Tenez, je vous embrasse !» Votre interlocuteur ou vous, tout aussi bien. Vous est-il déjà arrivé de rester en apparence aussi peu sensible que vous l'êtes en réalité à une telle nouvelle? Impossible. Vous aussi, « Ah, mais c'est magnifique !» etc. À quoi est-ce dû? Est-ce un hasard si j'apprendrais durant l'expérience de ce court essai que l'on peut voir dans l'arc-en-ciel le signe de l'alliance divine avec nous les humains? Espérons-nous du fond du cœur que tout nouveau marié, homme ou femme, par sa seule participation, ajoute au mariage général, comme chaque citoyen à la res publica, sa touche de douceur, d'harmonie, de bonheur? Sa petite nuance singulière? Le mariage est-il un but en soi? Une fin ou un commencement? Cela dépend-il des gens? Est-ce pour parfaire l'idée de mariage ou se perfectionner dans le mariage que certains d'entre nous se marient plusieurs fois? Tout engagement porte un espoir. Celui-ci porte le sien, toujours à peu près blanc mais toujours flottant, fragile et incertain. Profond comme une peur enfantine. Si mon mari et moi nous sommes mariés ensemble, chacun pour la première fois, nous serions-nous, lui ou moi, remariés l'un avec l'autre avec la même facilité? Si mon mari avait déjà été l'ex-mari de quelqu'un d'autre, à moins qu'il me le dise, m'en serais-je seulement aperçu? Et cela aurait-il changé quelque chose? Aurais-je mis en doute sa qualité de mari ou sa capacité à l'être plusieurs fois, et à ce moment-là combien? Que mon mari soit déjà un ex-mari, aurait-il été pour moi un plus, un moins ou indifférent? Je n'en ai aucune idée. De mon côté, m'envisager en ex-femme de quelqu'un marié à mon mari ne m'éclaire pas davantage sur l'effet produit. Tout ceci reste dans une brume. Parfois, j'entends un mari ou une femme claironner. On se connaît par cœur. Je me demande s'il ne cède pas à une facilité d'expression. C'est, signalons-le, dans ce même type de circonstances, que mon mari ou moi compterons pour la énième fois tel récit ou anecdote au succès bien rodé, que nous serons à nouveau l'un ou l'autre contraints d'écouter avec l'intérêt fin de la primeur, alors que nous les connaissons par cœur. Je ne saurais jamais exactement ce que mon mari sait de moi. Je peux tout à fait lui reprocher de ne pas savoir ceci ou cela depuis le temps. Je peux me rappeler un détail minuscule d'une année sur l'autre. Je ne l'oublie pas. Pour moi, c'est symbolique de son manque de connaissance de moi. Inversement, que sais-je de lui? Que pourrais-je énoncer qui soit certain? Quels savoirs essentiels détiendrais-je, pareil à ces miraculeuses pièces manquantes, qui viendraient compléter son puzzle intérieur, le gratifier d'une plus profonde connaissance de lui-même? Même s'il nous arrive d'en user... Je l'aurais parié. Avec toi, ce n'est même pas la peine d'essayer. Au fond, tu ne changeras jamais. Mon mari et moi empruntons ces raccourcis comme on prend un virage trop vite et oublieux du danger. Par négligence ou paresse, brusque appétit de pouvoir, ou besoin de produire sur l'autre un effet cryogène qui le laissera transi quelques instants, bien à plat et sans mouvement. Ensuite, nous ne sommes pas plus avancés. Néanmoins, mon mari et moi pouvons avoir des fulgurances. Dans le désordre de nos deux vies mêlées, soudain la précision d'un geste, d'un mot, d'un murmure ou d'une caresse révélera chez l'un ou l'autre une force, une faille, une disposition jusqu'alors inconnue, y compris de lui-même. N'est-ce pas vertigineux? Quelquefois, mon mari et moi pourrions être jumeaux. À d'autres moments, nous nous tapons sur le système. Je ne sais jamais si c'est parce que nous sommes si différents ou si c'est au contraire parce que notre système est le même. En ce qui nous concerne, en tout cas, pour mon mari et moi, le mariage n'a rien d'un mode d'emploi. Soudain, j'envoie à mon mari un texto inspiré. S'il m'en parle après, j'ai envie de tout jeter. Quand j'en reçois de lui, je ne sais y répondre, je me tais. S'il s'enquiert « Tu as reçu mon SMS ?», ça me fait le même effet. Depuis peu, j'efface systématiquement nos messages, ainsi en cas de perte, personne ne pourra les lire. Tout passer sous silence est encore la meilleure façon de préserver ce qui se situe en deçà ou au-delà du niveau du langage. Avec le temps, mon mari et moi nous réveillons de plus en plus tôt. Même si nous nous réveillons à peu près à la même heure, il y en a toujours un pour dire qu'il est réveillé depuis plus longtemps que l'autre. Si jamais nous évoquons nos rêves, il s'en trouve toujours un pour avancer une interprétation. Au début, j'ai pensé tenir un blog « Noces de porcelaine ». Puis j'ai imaginé tweeter. Mes followers n'auraient-ils pas composé une multitude idéale de demoiselles et garçons d'honneur? Finalement, j'ai opté pour cette forme traditionnelle de la famille du livret que le maire à la mairie, quand on se marie, nous remet. Le nôtre possède une couverture de feutre bleu roi avec livret de famille inscrit en lettres d'or. Chaque fois que je la porte quelque part pour les passeports ou les cartes d'identité, je vérifie à plusieurs reprises que je ne l'ai pas oubliée sous le grand volet gris de la photocopieuse. Quand je tiens notre livret de famille entre mes mains, je n'en reviens pas d'être allée aussi loin. Je relis chaque paragraphe. Plusieurs pistes de réflexion s'ouvrent à moi. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. En quoi ces trois choses sont-elles liées ? Le danger est-il si grand que secours doivent se doubler d'assistance ? Entre les deux, quelle différence ? Soudain s'ouvre un étang profond où nous nous enfonçons à tour de rôle, mon mari et moi. Attrape ma main, tiens bon, ne lâche pas. En bas de chaque page, cet extrait d'avis de décès, pour l'instant laissé blanc. Ensuite, je range tout ça dans le dossier livret de famille, passeport, carnet de vaccination, photo d'identité. Je referme le placard et me relève si vivement que, prise de vertige, je perds l'équilibre. Si le livret de famille demeure dans un placard, notre alliance nous accompagne où que l'on aille. Nous l'emportons dans l'au-delà. Mon mari et moi, nous sommes mariés en moyenne 8 ans plus tard que la génération précédente. Sur l'une des photos de notre mariage, encore posée sur la cheminée de mes beaux-parents qui en sont à leurs noces d'orchidée, nous apparaissons dans nos tenues invraisemblables, étrangement souriants et courts sur pattes. Nous n'avons réalisé cette erreur de perspective du photographe qu'il y a peu de temps. Chaque fois que nous passons devant, c'est systématique, je lâche. Nous devrions faire un album pour les enfants. Nous possédons plusieurs gros albums qui nous ont été offerts justement à l'occasion de notre mariage, vides. Toutes nos photos sont en vrac, désormais sur disque dur. Quand je compare nos albums vides aux albums si bien datés et organisés de certains de nos amis mariés eux aussi, j'ai immanquablement l'impression qu'ils ont été et sont encore bien plus mariés que nous. Ensuite, je reprends mes esprits. L'année de notre mariage, j'ai offert une montre à mon mari. Il la porte encore à son poignet, il ne veut pas en changer. Par quel autre modèle l'a remplacée ? J'ai perdu je ne sais combien de fois l'une ou l'autre des petites boucles d'oreilles pour oreilles non percées qu'il m'avait offertes, toujours retrouvées, sous le matelas, dans un bonnet de mon soutien-gorge, une rainure du parquet, ou aussi cette bague que je croyais définitivement égarée et qui réapparut un jour au bas du lit gigogne de mon fils cadet, comme un signe, mais de quoi ? Ou bien roulée dans un mouchoir en papier au fond de la poubelle. L'ayant nettoyée en téléphonant, je l'avais ensuite oubliée en faisant le ménage sur mon bureau. Qu'est-ce qui a bien pu me donner cette idée d'aller vérifier dans la poubelle ? Le mariage serait-il la conscience aiguë d'un mystère ? Ma mère n'a jamais retrouvé la montre que mon père lui avait offerte pour leur je ne sais plus combientième anniversaire de mariage. Ils en sont pourtant à leur noce de lapis-lazuli. Comme quoi. J'ai remarqué ceci. S'il ne l'a pas fait dès le début ou presque, chaque couple dans la durée finit la plupart du temps par se marier. À cause des impôts, des enfants, de la maladie, de la vieillesse, à cause du partage des biens. Mais surtout pas car nous désirions braver le temps. Nous nous sentions si grelottants dans le grand néant qui nous entoure. Que promis ou promise pour désigner les futurs époux soit aujourd'hui inusité, cette idée de promesse persistant dans le mariage, de quelle nature est-elle ? Je n'ai pas le souvenir que nous nous soyons jamais promis quoi que ce soit, mon mari et moi. Pourtant, une promesse flotte en permanence dans l'atmosphère, formant le lien de toutes nos matières, corps, murs et objets, maintenant la cohésion de notre ensemble temporaire, lui insufflant parfois, bravant l'imprévisible, une dimension mystique. Dans la même veine un peu particulière, je peux dire à mon mari que jamais je ne lui pardonnerai ceci ou cela. Pourtant, au moment même où le temps passant, quelques minutes, une nuit ou davantage, déjà tout est pardonné, quelque chose à mon insu s'est exercé sans que j'aie à m'y coller. J'ai oublié jusqu'au pourquoi du comment de l'histoire. Mon mari, lui, ne s'avance pas. Cependant, il y a une chose, dit-il, qu'il ne me pardonnerait pas. Et encore, en est-il si sûr ? Si le mariage est l'une des formes de notre longévité, que se passe-t-il quand l'un des deux époux disparaît ? Le mariage continue-t-il à un seul ? Ou bien la moitié restante en a-t-elle été définitivement emportée ? Un jour, il y a longtemps, je n'étais pas encore mariée. Je rencontre un vieux voisin dans l'escalier, revenant des douches municipales. « Comment ? Mais vous n'avez pas de salle de bain ?»« Ah ça, jamais !» Et faisant allusion à son épouse disparue, « Vous ne savez pas ce que c'est, vous, de laver votre moitié dans la bassine !» À cette époque, cette idée de moitié m'avait un peu dégoûtée. Aujourd'hui encore, ce n'est pas le mot que j'emploierais. Une cause de perplexité. Les gens mariés qui mettent un point d'honneur à ne pas porter d'alliance. Un motif d'émotion. Un homme ou une femme portant avec la sienne l'alliance de son époux décédé. De son épouse décédée. À force d'avoir vécu autant de mêmes événements, je me demande parfois quels souvenirs nous avons en commun, mon mari et moi. Si un souvenir commun est une façon de nous remémorer chacun de notre côté un élément de notre vie commune, qu'a-t-il véritablement de commun ? Prenons ce bain de mer. Douceur de l'eau. Soleil couchant. Œuvre des vagues sur le rivage. Mais vraiment, tu ne te rappelles pas cette dame au bonnet fleuri qui nous escortait en soufflant « Je sais, je suis un peu envahissante. » Parce qu'elle craignait de se faire mordre par une murène et de s'évanouir en pleine mer. N'est-ce pas désolant de concevoir qu'un souvenir que nous croyons commun diffère en réalité presque du tout au tout de ma mémoire à celle de mon mari ? Du seul fait que lui soit lui et moi moi. Ou du seul fait qu'il ait été par exemple à droite et moi à gauche, ou lui au-dessus et moi en dessous, ou vice-versa. Mais non, après tout, qu'est-ce que tu vas chercher ? Mon mari ne l'a pas toujours été. Il fut d'abord conçu par mes futurs beaux-parents, ignorant qu'il le deviendrait puisque je n'étais encore moi-même que seulement près d'exister. Puis l'être avant d'être mon mari est né. Il a été un bébé étonné et circonspect, un petit garçon qui trouvait sans cesse aux objets abandonnés une nouvelle utilité. Il a été un adolescent transporté par ses espoirs secrets et lesté de conceptions plus complexes. Un jeune homme impatient de transformer le monde sans savoir précisément par où commencer. Puis un homme jeune aimant réfléchir au mystère de l'existence, d'autant qu'il en avait déjà percé quelques-uns. Notre rencontre à cette époque en faisait-elle partie ? Ainsi, pendant tout ce temps, et même au moment où j'étais en train de le rencontrer, et encore après, quand nous nous sommes mariés, et à chaque instant précis de notre vie, mais surtout de la sienne, passés l'un près de l'autre ou non, jusqu'à aujourd'hui, mon mari a été et continué d'être une multitude d'événements intérieurs, émotions, sensations, pensées, fluides et complexions qu'à jamais j'ignorerai. Autrement dit, une énigme. Non seulement mon mari ne l'a pas toujours été, mais l'étant, il n'a en plus jamais cessé d'être en majorité autre chose. Aussi, quand je dis « mon mari », désignais-je seulement une infime partie de son être, mais prenant la partie pour le tout, dans ma bouche, mon mari devient métonymie. Quand je pense que je porte dans les circonstances les plus officielles de ma vie le patronyme d'une métonymie. Considérant cet état de fait, est-ce si imprévisible que mon mari m'apparaisse soudain non pas sous les traits, ni sous les gestes, la peau ou la voix d'un étranger, mais dans un halo d'étrangèreté ? Et quand je redécouvre cette étrangèreté qui s'était révélée au tout début avant de se dissiper sans disparaître, eh bien c'est plutôt enthousiasmant. Ainsi quelque chose ne cesse jamais, une circulation, un mouvement profond. En revanche, si je désigne mon mari par son prénom, instantanément, la netteté de l'identité dissipe le mystère. Si je pense à mon mari par son prénom, je pense dans la mesure du possible à ce qu'il est et continue d'être en dehors de moi et de notre mariage. Davantage, je crois à ce qui nous relie qu'à ce qui nous lie. Son prénom établit une distance, lui rend sa liberté, son autonomie. Si je pense à mon mari tout court, l'air se raréfie. Je pense à moi en même temps qu'à lui. N'étant mon mari que par moi, ma conception devient cubiste, presque un autre sujet. Comment doser le mélange ? Inversement, mon mari peut varier du tout au tout, de lève-tôt devenir couche-tard, fan de Formule 1, supporter ou bricoleur. Il peut soudain s'enticher d'un mantra ou se laisser pousser la barbe. Il peut s'éveiller un matin en parlant une langue inconnue et mener quantité de vie qui m'échappe. Tant que nous sommes mariés, cette infime partie de lui, appelée « mon mari », demeure. Devrais-je en éprouver pour autant une quelconque certitude ? Mon mari et moi passons ensemble des moments si pleins ou vides de mots ou gestes si variés et contradictoires qu'il est incroyable de penser que nous sommes chaque fois les mêmes mari et moi. Quelquefois, un moment peut présenter une étendue si calme que l'on peut se demander où nous sommes passés. Pourtant, nous sommes bien là, mon mari et moi, assis autour d'une table, à lire appuyés sur nos oreillers, dans un système de présence tranquille, comme encore sur le canapé à faire n'importe quelle activité sereine. Mon mari excepté, j'en connais personnellement plein d'autres. Les sachant mari, je ne les perçois pourtant que sous leur aspect non-mari, sauf lorsque leur qualité de mari transparaît au hasard d'une conversation que j'ai avec leur femme, eux plus rarement, ou dans leur attitude même. Je découvre alors des sujets d'étonnement concernant à peu près tous nos domaines d'activité, même les plus privés. Cela forme en moi des conceptions nouvelles, malheureusement impossible à partager puisqu'on m'a fait promettre de ne le répéter à personne, pas même à mon mari. Ainsi, mon mari et moi, nous retrouvons avoir des secrets l'un pour l'autre, ne serait-ce que ceux qu'on nous a confiés. Au début, cela me contrarie. Voici justement le secret qui nous manquait pour établir une comparaison intéressante et davantage nous développer. Peu après, je suis étonnée de l'avoir déjà à moitié oublié. Si je pouvais lâcher du haut de ma vie maritale et nonobstant les secrets que l'on m'a confiés, mon mari et moi n'avons aucun secret l'un pour l'autre. Ne serait-ce pas trop m'avancer ? Cela nécessiterait d'explorer l'intégralité de ma conscience pour le savoir. Admettons que je n'en ai pas la flemme. N'oublierais-je pas naturellement des petites choses par-ci par-là ? De son côté, quel secret mon mari aurait pour moi ? Il m'arrive de chercher. Au début, je délimite chaque époque de son existence et chaque champ d'activité. Mais est-ce l'instinct de conservation ? Très vite, tout se mélange, devient heureusement inextricable. Est-ce encore du fait de notre mariage que coexiste entre mon mari et moi cette variété d'états opposés, émotions et sentiments désordonnés ? Vastes élans ou étrécissements mesquins, épaisseurs rugueuses ou courbes fluides et lumineuses. Comment par exemple juxtaposer avec autant de constance et de naturel « Tu me manques » à « Je ne peux plus te supporter » « Viens, on parle » à « Je n'arrive pas à t'écouter » « Lâche-moi » à « Prends-moi dans tes bras » Combien croisais-je chaque jour de maris que je ne connais pas ? Les rues comme les livres sont bourrées de maris. De combien de maris lus me souviens-je ? Le mari de la duchesse de Guermantes ne l'aime pas. Cela m'a frappée. À la première lecture, je ne m'en étais pas aperçue. Le mari d'Anna Karénine l'aime profondément. sans parvenir à le lui faire comprendre. Le mari de Madame Bovary l'aime aussi, avec une maladresse tragique. Le mari de Madame de Rênal, j'ai oublié. Le mari de Mrs. Maitry revient mourir chez son épouse bien-aimée à Cape Cod. Sa maîtresse l'a ramené là, malade, c'est très beau. Le livre s'appelle d'ailleurs en français « L'amour des Maitry ». Le mari de Mrs. Ramsay aime sa femme avec un manque d'attention pathétique. Il est lui-même trop empêtré. Le mari de Jeanne Eyre est terrible, si je me souviens bien. Celui de Rebecca, plutôt ambigu. À ce moment-là, on glisse vers les maris de cinéma. Les maris des films de Hitchcock sont effrayants à un point. Le pire étant sans doute celui d'Alicia dans Les Enchaînés, à Glagla. J'ai vu récemment le mari de Vera Drake. Épatant. Le mari de Mathilde, que j'ai regardé hier dans La femme d'à côté, fait tout ce qu'il peut pour la sauver de sa passion dévastatrice, en vain. C'est fou. Je ne sais plus si Red Butler est à l'état civil le mari de Scarlett. Johan, le mari de Katharina dans Scène de la vie conjugale, est épouvantable. Les incarnations de mari par... Jean-Louis Trintignant. Daniel Secaldi. Michel Piccoli. Yves Montand. Philippe Noiret. Richard Burton. Al Pacino. Dustin Hoffman. Harrison Ford. Ont-elles marqué mon époque ou moi-même ? Un mari charmant mais alors à fuir. Antoine Doinel. Les innocents maris des premières séries télévisées, celui de Ma sorcière bien-aimée, des Saintes Chéries ou de Vive la vie, n'ont plus rien à voir avec ceux si troubles et complexes des séries d'aujourd'hui. Étaient-ils simplement édulcorés ou bien les maris ont-ils autant changé ? À quelle typologie se fier ? Regardant encore aujourd'hui un film avec un héros magnifique qui, par effet d'imprégnation, s'incarne dans mon mari, aussitôt il se banalise. Il ne fait pas le poids. En revanche, je peux glisser mon mari dans la peau de ce même héros. Cow-boy sensible et solitaire, aux réflexes exceptionnels, privé ou agent secret doté des mêmes qualités. Eh bien, il tient son rôle, l'enrichit de ses particularités. Même si mon mari n'est jamais monté à cheval, ne fume pas et ne détient ni port d'armes ni permis de tuer. Ainsi ai-je lu et regardé un nombre considérable de maris. Pourtant, je peine à m'en souvenir. Ils se confondent, forment chacun l'élément d'un gigantesque collage noir et blanc avec une dominante sombre, une perspective fantastique. D'autres incarnations viennent de temps à autre s'y ajouter. Mari ou amant ? Je me demande si dans le tas, je ne confonds pas. Mari et amant sont jugés par l'histoire comme entités contraires, douloureusement complémentaires. Cela modèle les esprits. Comment concevoir ensuite un mari ou amant en amant ou mari dans le même lit ? Dans tous les lits où nous avons dormi, mon mari et moi, dans tous les lits de toutes les chambres de tous les pays, je crois bien avoir dormi toujours à gauche, lui à droite, même en partant du centre, même en cas d'inégalité de lumière ou de table de nuit. Dans tous ces lits où nous avons dormi, mon mari et moi, qui n'étaient pas notre lit habituel, nous nous y sommes la plupart du temps couchés de la même manière, moi la première avec un livre et lui ensuite. À peine ouvre-t-il son livre, déjà j'éteins ma lumière. Lui déshabillé avant d'entrer, moi terminant sous les draps, sauf en cas de disposition particulière, puis lui éteignant sa lumière. La première au lit, je me surprends tout à coup à y attendre mon mari. Sa place encore vide évoquant l'étendue des possibles, creusant en moi une impatience subite. Allongé à droite du lit, mon mari forme un bord large, par-dessus lequel, pour m'endormir, je peux passer une jambe, sans tomber. Si par hasard nous nous retrouvons quelque part, mon mari et moi, avec deux lits simples au lieu d'un lit double, nous nous sentons floués. Nous remuons ciel et terre pour en changer. Ou alors nous rapprochons les deux lits et fusionnons les draps de façon à n'en former qu'un seul, à la manière des enfants lorsqu'ils veulent dormir ensemble, comme des grands. Si mon mari, même à 3 ans, était déjà monsieur, C'est en me mariant avec lui beaucoup plus tard que de mademoiselle, je suis devenue madame. Qu'est-ce qui changeait pour moi qui ne changeait pas pour lui ? Mon mari se pense-t-il aussi peu monsieur que moi madame ? Se pense-t-il même jamais son mari ? Si jusqu'aujourd'hui on demande monsieur au téléphone, il désigne toujours à mes sens monsieur le mari de moi madame, et pas du tout celui qu'il était à 3 ans, bien que cela puisse se confondre parfois. De même, il m'arrive de lire « Monsieur et Madame » sur un courrier à nous adressé, sans y reconnaître ce que nous sommes, mon mari et moi. Avec le temps, mon mari et moi avons acquis une capacité de transformation grandissante. Ce ne sont pas seulement nos traits, notre gabarit, la couleur de nos cheveux ou la texture de notre peau qui changent. C'est l'infinie palette de nos possibilités. Différentes façons d'occuper les lieux ensemble ou à tour de rôle, d'entrer dans nos vêtements et d'en sortir, de modifier l'ordre ou l'amplitude de nos mouvements ou notre relation à un objet aussi ordinaire qu'une porte. La surprise d'une parole ou d'un geste inédit ou une nouvelle manière de nous adapter au matin et au soir, au jour et à la nuit. Beaucoup d'autres choses, en revanche, ne changent pas. Pourtant, si je me prends à essayer d'en faire la liste, je ne les trouve pas. Même nos rythmes de digestion, que je croyais fixés une fois pour toutes, nous déroutent quelquefois sans explication. Chacun à notre tour, mon mari et moi sommes victimes de la mondialisation. Lui m'offrant des fleurs étonnantes aux teintes délicates, sans parfum et qui faneront avant de s'ouvrir. Moi, une chemise attrayante au tissu satiné, qui se révélera sur son étiquette « Made in China », un croisement de fibres de coton et d'une nouvelle matière pétrochimique allergisante. Que la qualité globale de notre environnement dégringole ainsi peut nous plonger dans une dangereuse perplexité. Généralement, mon mari en sortira le premier. De même, combien de temps mon mari et moi résisterons-nous sans y penser aux choix exponentiels et généralisés ? Sites proposant félines et divines, un mec à mes pieds ou à adopter, supermarché de rencontres mythiques, multiples ou minutées, évasion de tous côtés ? Si les rencontres par Internet suscitent selon une dernière enquête des mariages plus durables, dans notre cas, tout serait-il à recommencer ? Par Internet, mon mari et moi, nous serions-nous rencontrés ? À pied, à cheval ou en voiture, comment sans cesse nous adapter ? Si mon mari devenu virtuel s'était avéré, comme souvent dans la réalité, le mari d'une autre ? Et si mon mari, dans la réalité, se mettait à devenir virtuellement le mari de plein d'autres ? Serait-ce une menace à prendre au sérieux ? Mon mari et moi, devrions-nous compter avec toutes ces nouvelles possibilités ? Soudain, je me surprends à désirer les bras de ma mère, en espérant qu'elle me comprenne. Et ce sont ceux de mon mari que je trouve. Mon mari est l'être au monde avec lequel je partage le plus grand nombre de fonctions biologiques. Pourtant, je ne saurais jamais ce qu'il éprouve, par exemple, quand il a mal aux dents, malgré cette expression stoïque sur son visage. Étant également l'être au monde que je touche le plus souvent, je ne peux davantage échanger contre la mienne sa sensation sur sa peau ou ses muqueuses quand elles entrent en contact avec les miennes. Mon mari et moi dormons ensemble depuis si longtemps que nous constituons chacun celui qui a partagé avec l'autre le plus grand nombre de nuits. Si cela continue, nous nous éveillerons un matin ayant passé davantage de nuits ensemble que séparés. À partir d'un certain moment, cela devient arithmétique. Cela modifiera-t-il pour autant notre conception de l'existence ? De même, le fait d'avoir un jour davantage de matière à souvenirs communs que de matière à souvenirs individuels. Certains jours très précis de notre vie, mon mari et moi avons donné naissance à nos enfants. Déjà mari et femme, nos enfants nous ont transformé, mon mari et moi, en père et mère. Pourtant, je continue à dire « mon mari » et non « le père de mes enfants ». Si jamais quelqu'un évoque mon mari en précisant pour plaisanter « le père de tes enfants », il revêt aussitôt une dimension aérienne, quasi héroïque. Nos enfants forment dans notre vie un univers en expansion qu'il ne s'agit pas d'explorer ici. Nous ne sommes pas mariés ensemble. Cependant, ensemble avec nos enfants, mon mari et moi, déjà mari et femme, puis père et mère, devenons encore autre chose, une famille, confère le livret. Si l'on procède à l'envers, selon ce modèle classique, père et mère demeurent, pas forcément mari et femme. À quoi servons-nous alors, mon mari et moi ? Dans notre société, heureusement moins patriarcale, mon mari et moi suivons un régime matrimonial. Mariés sous le régime de la séparation de biens, nous avons sans le savoir apporté à la communauté l'ensemble de nos âges, craintes, complexes, peurs, espérances, angoisses, désirs, rêves et chagrins enfouis, mais sans cesse réactualisés dans l'exercice de nos fonctions. Ceci expliquerait certains dérapages. Un drame pouvant naître d'une certaine façon de couper le fromage, d'une manière de s'asseoir ou lever les sourcils. Pour cette raison aussi, nous pouvons parfois décréter que nous ne nous entendons plus, notre dialogue s'écroulant peu à peu sous la charge de nos brouhahas intérieurs. À d'autres moments, au contraire, seul mon mari ou moi sommes en mesure de nous extraire mutuellement de nos destructrices ritournelles archaïques. Nous en tenons à nous, mon mari et moi nous conjuguons sur un mode particulier lié à notre conjugaison même, le mode conjugal. Tout ce qui touche à notre petite communauté, du plus concret au plus abstrait, possède ainsi son unique déclinaison. Notre domicile est conjugal, comme notre lit, comme notre amour, comme notre vie. N'est-ce pas un peu limitatif ? Qu'un étranger ou une étrangère fasse irruption aux abords de notre petite communauté, si jamais l'un d'entre nous se laisse entraîner, alors conjugal deviendra extra-conjugal. Ce qui ne signifie pas a priori conjugal en mille fois mieux, mais exprime au premier chef un en dehors qui exclut celui demeuré à l'intérieur, de la vie conjugale. Mon mari et moi ne pouvons avoir ensemble une relation extra-conjugale, sauf à former un trio. Et à ce moment-là, quid du statut conjugal ? En revanche, mon mari ou moi, séparément, si. Chacun si possible, avec une personne différente. Le lit conjugal emporte ses secrets dans la tombe. Au cimetière Montparnasse, une stèle audacieuse du début du XXe siècle représente un grand lit en relief, pli des draps, volume de l'édredon, avec des deux défunts la représentation du couple dedans en train de discuter ou se chamailler, je crois en longue chemise et bonnet de nuit, comme en vie. Tous les objets, sentiments ou émotions acquis ou éprouvés sur le mode conjugal composent les éléments concrets et abstraits d'un ensemble plus vaste, la conjugalité, qui dans un mouvement aérien paraît tout emporté, bras et jambes mêlés, dans l'espace et dans le temps. Mon mari et moi serions-nous devenus deux êtres très différents de ce que nous sommes si nous n'étions pas restés mariés ? Comment et qui aurais-je été ? Et lui ? Nos corps, par exemple, auraient-ils pris d'autres courbes ? Notre façon de penser ? À quoi, à qui aurions-nous ressemblé ? Penser à l'infini des possibilités m'oblige à développer une adresse d'équilibriste. Il est étrange de se dire que mon mari et moi sommes devenus en partie chacun ce que nous sommes avec, grâce, à cause ou en dépit de l'un ou l'autre. Ainsi sommes-nous chacun la somme de ce que nous sommes l'un avec, pour, contre, indépendamment, mais jamais vraiment sans l'autre. Qu'imaginions-nous, mon mari et moi, en nous mariant? Nous imaginions-nous tels que nous sommes maintenant? Je ne me rappelle plus, mais sans doute pas. Nous nous imaginions à la fois semblables et très différents, les mêmes mais autrement. Puisqu'il était impossible de prévoir l'ensemble et la nature des événements qui prendraient place au cours de notre vie commune. Quand j'entends d'autres maris et femmes évoquer ce temps-là, lorsque je l'ai épousé, révélant aussitôt l'immatérialité d'un élan et la réalité d'une vie passée, je mesure à mon tour le mystère où nous sommes plongés, mon mari et moi, cette impossibilité d'apprécier, autrement que par des repères très hétérogènes, une couleur de cheveux, un geste arrêté, les endroits habités, une timidité disparue, l'ouverture d'un compte joint, un espoir déçu, un autre récompensé, la fixation d'un siège bébé, les multiples choses amassées et celles dont nous nous sommes débarrassés au propre comme au figuré, à la fois l'amplitude de notre évolution et la distance parcourue. Si tout à coup je m'arrête et nous considère, mon mari et moi, ne représentons-nous pas dans notre monde aux mille brisés une forme totalement dépassée, ringarde? Obsolète, ne sommes-nous pas voués à disparaître? Toute pérennité sans cesse emportée par l'actualité? Le flux permanent des moteurs de recherche? Qu'adviendra-t-il alors de notre demeure? Finalement, où? Dans quel monde? Selon quel plan et pour combien de temps mon mari et moi sommes-nous mariés? Si je pense à mon mari et donc à moi et donc à nous, le cadre de notre mariage, son vocabulaire et ses lois traçant leurs angles étroits n'existent pas. Tout est plus flou, plus instable, plus dense ou plus lâche, culminant ou dégringolé, en fusion ou lointain. Tout déborde et s'échappe en corps, chair, émotions ou idées. Rien ne peut être fixé de l'aventure par laquelle ces deux entités, mon mari et moi, sont ou auront été liés. D'ailleurs, à part là, je ne dis jamais mon mari et moi. C'était « Mon mari et moi, petite exploration conjugale » d'Elisabeth Jacquet. Texte dit par Elisabeth Jacquet et Marina Moncade. Assistance technique et montage, Jean du Cimetière. Prise de son et mixage, Jean-Michel Bernot. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Réalisation, Étienne Vallès.